tu les vis qu'un sang. Je reçois ton amour, donnez-moi tes caresses, tu sûr. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps, pour toi c'est 506 garçons. Nous vivons, mon petit garçon, le juste vrai plus fort que les mots. On parle, on parle. Maintenant, tu es encore un enfant. Je te réponds, nuit et maison, nuit et folie. On reste ferme, mon petit ami. Mais ma fille, pas notre histoire. Je t'aime parce que tu es pour moi. Tu t'espères, c'est tous les soirs. Mon petit garçon, pour toute la vie garçon, je reçois ton amour, donnez-moi tes caresses, tu sûr. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Ce cours après le temps, pour toi c'est 506 garçons. C'est vrai, plus fort que les mots, pas. Maintenant que ça paraît l'enfant, je te réponds. Luttez, vas-y, luttez, folie. On reste ferme, mon petit ami. Mais la fille, notre histoire. Je t'aime parce que tu es pour moi. Tu t'espères, c'est tout désoir. Mon petit garçon, pour toute la vie, garçon. Je reçois ton amour, donnez-moi tes caresses, tu sûr. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps, pour toi c'est ça.